بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui le dimanche 16 du mois Al-Muharram de l'année 1445 de l'Hégire, correspondant au 31 juillet 2023. Nous nous retrouvons, le 13 du mois Al-Muharram, correspondant au 31 juillet. Donc, je disais, j'ai le plaisir de vous retrouver afin de poursuivre ensemble, avec la permission d'Allah, cette série sur l'athéisme. On a parlé de Darwin et de sa théorie et l'idée de la théorie de Darwin, c'est qu'on s'est tous développés à partir d'une cellule primitive appelée Luca. Luca qui est la mère de toutes les formes de vie existantes. Et ce développement s'est fait par le biais de mutations aléatoires et avec une sélection naturelle. Qu'est-ce que veut dire la sélection naturelle? Ça veut dire tout simplement, c'est que la survie est garantie pour l'espèce la plus adaptée à son environnement, la plus apte à rester en vie. Donc c'est ça la sélection naturelle. Et bien évidemment, cette sélection naturelle ne peut se produire qu'à travers une lutte et un combat acharné contre les espèces inférieures pour que le plus fort reste, faut qu'il écrase et qu'il domine toutes les autres espèces inférieures. Et c'est pour ça, Darwin, dans son premier livre, L'origine des espèces, où il a étalé sa théorie sans la mettre en pratique sur l'être humain. Il parlait d'une manière générale de la théorie et surtout des animaux. Et dans son deuxième livre, L'origine de l'homme, c'est là où il a cité les aboutissements naturels de sa théorie et de son application sur l'être humain. L'origine de l'homme. Et il en est sorti avec la déduction que les hommes les plus civilisés et les plus modernisés, qui sont les Européens pour lui, forcément, ils doivent exterminer et écraser les autres races qui sont inférieures, comme les Africains, les habitants originaires de l'Amérique et de l'Australie. C'est principalement ces trois catégories qui étaient visées, et la race supérieure, c'est uniquement la race européenne. Et les autres sont toutes des races inférieures. Donc, pour assurer la survie de la race supérieure et pour permettre cette sélection naturelle, il fallait obligatoirement passer par une extermination de toutes les races inférieures. Et il a déduit que les Européens qui sont les plus évolués, les plus sophistiqués, que les Africains par exemple, et les autres. Car les autres, il s'est basé sur quoi ? Écoutez ce qu'il dit. Il s'est basé sur quoi pour dire que les autres étaient moins évolués ? Il s'est appuyé sur leur ressemblance avec les singes. Et que les Européens se sont tellement évolués qu'ils ne ressemblaient plus vraiment aux singes. Ils ont le nez droit, la peau blanche, contrairement à ces autres races inférieures qui avaient encore une ressemblance apparente avec les singes. Le nez aplati, un grand front, une grande mâchoire, c'est des éléments qu'il cite dans son livre. Et donc, il fallait les écraser, et ça on va le voir dans les propos de beaucoup d'évolutionnistes, beaucoup de darwinistes, ils tiennent les mêmes propos. Et de toute façon, qu'ils le disent, ou qu'ils le cachent, ou qu'ils appellent aux droits de l'homme, ou bien c'est des menteurs, ou ils ne sont pas dans une cohérence avec la théorie, et avec la chose sur laquelle ils basent leur croyance. Donc, c'est une théorie purement raciste et qui appelle au crime contre l'humanité. Quelqu'un peut se dire, il y a eu déjà des crimes contre l'humanité avant la théorie de Darwin. La réponse, oui. Mais il n'y en a pas eu autant qu'après la théorie de Darwin. Et pire encore, cette théorie, elle permet aux criminels et aux assassins et aux meurtriers de se déculpabiliser et d'avoir une conscience tranquille, même en exterminant des populations ou en tuant des innocents, car de toute façon, ils sont à une phase de l'évolution encore arriérée par rapport à ceux qui ont beaucoup évolué. Et yani, ce raisonnement, il est basé sur le fait que l'homme, il peut se servir des animaux. Il peut les utiliser pour ses intérêts et qu'ils soient à son service, comme il peut les tuer pour les manger. De même, l'homme, pourquoi l'homme, il peut faire ça avec l'animal? Parce que l'homme est plus évolué que l'animal. Du même que l'homme le plus évolué, il peut faire ça avec un homme moins évolué. Et c'est pour ça en Australie, ils ont exterminé la population originaire et d'une manière officielle. C'est les dirigeants qui ont annoncé la nécessité de cette sélection et que ces races inférieures doivent laisser place à la race supérieure. Il y a eu une extermination et les enfants de ces habitants originaires de l'Australie, le même phénomène a été pratiqué aux États-Unis. En Amérique, le même phénomène. Mais en Australie, c'était fait d'une manière officielle. C'est l'État qui a géré ces crimes contre l'humanité. Et ils ont utilisé leurs enfants comme des cobayes pour leurs tests et ils espéraient à travers eux trouver le maillon manquant pour valider la théorie de Darwin. Des espèces moins évoluées, donc qui démontrent effectivement qu'il y a eu l'évolution. Regardez à quel point c'est arrivé. Et le président, ou plutôt le vice-président australien, Kevin Rudd, Kevin Rudd, le premier ministre australien, ne s'est excusé de ses crimes contre l'humanité, contre cette population, qu'il y a quelques années seulement. Le 13 février 2008, une excuse officielle aux générations volées de la part de Kevin Rudd, le premier ministre australien. Et les darwinistes, ils ne se privaient pas non plus de rendre stériles ceux qu'ils considéraient comme des races inférieures. Une stérilisation forcée. Et c'est seulement en février 2015 que le Congrès américain a accepté d'accorder une somme de $25,000 à chaque victime de la stérilisation qui a été pratiquée sur les habitants originaires des États-Unis et sur lesquels ceci a été pratiqué par contrainte afin d'empêcher leur reproduction en les considérant comme des races inférieures. Sans parler des vaccins qui étaient testés sur des populations africaines dans plusieurs pays. Et ça, c'est quelque chose de prouvé. Et aussi, faut pas oublier les zoos humains qui existaient en Europe. Et il suffit d'écrire Humans Zoos sur Google pour trouver des photos et des images de ces zoos qui étaient réservés pour les hommes. Ils ramenaient notamment des Africains, des enfants, ils les déshabillaient, il fallait qu'ils se montrent avec les animaux et qu'ils les observent pour voir comment était l'homme avant d'évoluer comme ces Européens ont évolué. Ça, c'est parmi les conséquences et les fruits de cette croyance, de cette religion basée sur la théorie de Darwin. Et il y a un autre point très important, c'est que il faut savoir que les guerres qui ont eu lieu, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, certes, il y a eu plusieurs causes de ces guerres-là, mais parmi les causes importantes, c'est justement le darwinisme social qui s'est propagé en Europe et qui a préparé les gens à entrer dans des guerres et à exterminer des populations sous prétexte qu'elles sont inférieures. Parce que même en Europe, pas toute la population est au même niveau d'évolution. Et c'est ce que tout simplement Hitler a pratiqué. Et ce que Staline et Lénine et Mao Tse-tung a fait également. Tous ces gens-là, ils se sont basés sur le même principe, la théorie de Darwin sur l'origine de l'homme. Ça, c'est quelques conséquences seulement. Et ces athées qui étaient affrontés à plusieurs réalités incontestables chez l'homme, notamment sa nature humaine saine, ses instincts, ses désirs, ses envies, son intelligence, ils étaient affrontés à tous ces phénomènes qu'ils ne pouvaient pas expliquer, au point où quelqu'un a dit « Religion is hardwired in humans. » La religion est comme câblée chez l'homme, est comme programmée. C'est-à-dire, l'envie de la religiosité, il est en l'homme. Chacun de nous ressent un besoin de croire. C'est quelque chose en nous à laquelle on ne peut pas résister. Ils ont essayé de démontrer comme quoi il y a des gènes qui sont responsables de ce sentiment de religion chez l'homme, mais même s'ils arrivent à le prouver, ils n'ont pas prouvé jusqu'à aujourd'hui, même s'ils arrivent à le prouver, alors ça sera une preuve de plus qu'on n'est pas le fruit du hasard. On n'est pas le fruit de mutations aléatoires hasardeuses. On n'est pas issu de la matière, mais on est créé par un créateur qui a mis en nous toutes ces notions et toutes ces valeurs et toutes ces lois universelles qui nous permettent d'arriver à la vérité. L'athée qui a renié son créateur, il a fini par se renier lui-même. Et comme a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, inna fil qalbi faqatan la yasudduha shay'un ghayrullah. Dans le cœur de l'homme, il y a un besoin, il y a un vide qui ne peut être rempli que par la foi en Allah. Et c'est pour ça, ces croyances égarées sont la source de perturbations et de troubles et d'inquiétudes et d'instabilité pour ces gens-là. C'est pour ça qu'ils ont essayé de ressembler aux croyants et aux États-Unis, ils ont créé des atheist church, des églises pour les athées, afin de répondre à ce besoin qu'ils trouvent eux-mêmes en eux. Et comme j'ai dit, c'est l'athée, il renie l'existence de son Dieu, il finit par se renier lui-même. Comme l'a dit Charles Darwin lui-même, dans une lettre qu'il a envoyée à William Graham, dans laquelle il exprimait la valeur de sa raison, la raison humaine d'une manière générale et la sienne également, et la confiance qu'on puisse lui accorder. Écoutez bien ce qu'il dit, Charles Darwin lui-même. Il dit, « J'ai toujours eu des doutes horribles au sujet des convictions de la raison humaine, qui est à son tour a été développée à partir de raisons d'animaux inférieurs, car il a évolué. C'était un simple animal qui a évolué et il a développé ses intelligences et ses valeurs et ses notions par hasard. Et les autres animaux n'ont pas eu cette chance-là. » Et ensuite, il dit, j'ai toujours eu des doutes horribles au sujet des convictions de la raison humaine qui est à son tour développée à partir de raisons d'animaux inférieurs. Si elle avait quelconque valeur ou mérite, si elle méritait quelconque confiance. Est-ce qu'on peut placer notre confiance et compter sur notre intelligence alors que c'est le fruit du hasard? Et ça, c'est quelque chose de vraiment étonnant de la part de ces grands athées qui prétendent respecter la raison et se conformer à la science expérimentale et la science moderne, et qui accusent les croyants de ne pas respecter ces deux derniers, de ne pas respecter la raison et de ne pas respecter la science moderne et son évolution. Regardez à quoi ils arrivent. Cet homme, Charles Darwin, n'a pas confiance en sa raison. Et sa raison n'a aucune valeur pour lui. Est-ce que vous réalisez les conséquences d'une telle réalité? Comment cet homme il peut placer sa confiance en la science à laquelle on a abouti avec la raison humaine? Comment il peut avoir confiance en quoi que ce soit sur cette terre? Comment il peut avoir confiance en lui-même? Et est-ce que son jugement est juste ou non? C'est pour ça, d'ailleurs, que les savants de l'islam disent, la foi en l'existence du Créateur est à l'origine de toutes les sciences. La foi en l'existence du Créateur est à l'origine de toutes les sciences. Celui qui ne croit pas au Créateur, il va être dans ses doutes et dans ces troubles permanents et continus jusqu'à la fin de sa vie. S'il ne donne pas fin à sa vie, par le suicide ou autre. Et les statistiques l'ont démontré, que les gens qui sont exposés le plus sur Terre au suicide, ce sont les athées. Et on ne peut jamais imaginer un croyant qui connaît bien sa religion mettre fin à sa vie par le suicide. Ça ne peut jamais arriver. Sauf dans des cas extrêmes ou des cas de grande ignorance de la religion. Un croyant, mais qui n'est pas armé avec la science de la religion. Donc, suite à l'écoute de l'audio du cours 5, l'athéisme, la religion des insensés, le passage n'a pas été compris à la minute par rapport à la parole de Richard Dawkins qui dit « Il est impossible de prouver l'inexistence de Dieu ». Est-ce que c'était seulement ça la citation ? Je me rappelle de cette citation. Il dit qu'il est impossible de prouver l'inexistence de Dieu. Car la science expérimentale ne traite pas ce qui fait partie du monde surnaturel. Donc, on ne peut pas prouver qu'il n'existe pas de Dieu. Mais pourtant, lui, il est athée. Et lui, je l'ai écouté directement parler, il disait qu'il était plutôt agnostique. Et ça, c'est des ruses et des stratagèmes. C'est pour ça que je vous ai dit, on ne va pas nous attarder sur la différence entre un agnostique, entre un athée, un nihilisme, un athée à l'ancienne, moderne ou existentiel, car c'est différentes appellations pour le même égarement. Ils renient l'existence de Dieu, ils ne veulent pas croire en lui, même si on leur rapporte les preuves les plus évidentes. Donc lui, il reconnaît, dans cette citation, il reconnaît qu'il ne peut pas prouver l'inexistence de Dieu. Et cet homme est censé ne croire qu'en des choses qu'il peut prouver. Alors, comment tu crois que Dieu n'existe pas alors que tu n'es pas capable de le prouver? Ça, c'est une contradiction. Et ne soyez pas étonnés. Toute personne qui s'oppose à la religion de la vérité et à la religion de la nature humaine saine, la seule religion aujourd'hui sur Terre qui appelle au monothéisme et qui permet de faire revenir l'homme à sa nature humaine saine et qui lui permet de vivre en harmonie avec son monde et son univers et sa raison et vivre avec sa dignité. Vous avez écouté ce que ces gens-là pensent de l'homme. C'est une bactérie, c'est un déchet chimique. Si c'est le cousin du singe, et malgré ça, ils n'aiment pas, malgré que c'est eux qui ont sorti cette théorie, qu'on est les cousins et qu'on a la même origine avec le singe, mais quand tu leur dis « vous êtes des singes », ils n'acceptent pas. Et ça, c'est une anecdote qui m'est déjà arrivée avec quelqu'un qui voulait me démontrer qu'on est des singes. Et je lui dis, j'ai commencé à le regarder et à regarder son visage, et je lui dis, moi, je ne suis pas un descendant du singe. Moi, je suis un descendant de notre père Adam, que Dieu a créé lui-même. Je suis un descendant de Adam. Je lui dis, par contre, toi, en regardant ton visage et commenter, peut-être que tu as des origines et des liens avec le singe. Et il était énervé. Ces gens-là, ils veulent qu'on dise qu'on est des singes. Toi, tu es un singe, si tu le veux, toi, pour moi, tu es pire que le singe. Le singe, il remplit la fonction pour laquelle Dieu l'a créé. Mais toi, tu ne la remplis pas. إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Ils sont comme le bétail. Ils sont même plus égarés que le bétail. Un homme doté d'une raison, d'une nature humaine saine, de valeur et de moralité, qu'Allah a honoré, il lui a donné toute sa dignité. Il abandonne tout ça pour devenir comme un animal. Alors celui-là, forcément, il est pire que l'animal, bien évidemment. Le singe est meilleur que lui. Car le singe, il remplit la fonction pour laquelle Allah l'a créé. Si c'est clair pour la réponse, alhamdoulillah. Donc nous poursuivrons, inshallah, nous poursuivrons par rapport à ce problème du mal. Et comme je vous ai dit, le problème du mal, c'est le plus grand point sur lequel s'appuient les athées qui disent qu'ils sont agnostiques ou les déistes qui croient en l'existence de quelque chose, mais pour eux, l'existence du mal et de l'injustice et de la souffrance sur terre, ça contredit l'existence d'un Dieu. Finalement, ils vont renier son existence. Et on a vu plusieurs points qui concernent ce problème du mal et son explication, et nous poursuivrons aujourd'hui avec la permission d'Allah. Et ce qui est étonnant, c'est que l'athée, il va s'appuyer sur le problème du mal pour renier l'existence de Dieu. S'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas eu d'enfants tués, d'enfants tués comme on le voit. Il n'y aurait pas eu autant de meurtres et de crimes, autant de souffrances. Il n'aurait pas laissé faire ces choses-là. Ça, c'est vraiment très étonnant quand ça vient de la part d'un athée. Un athée qui croit qu'on est issu de la matière et qu'on est le fruit du hasard et de la mutation aléatoire. Quelle notion du bien, de quelle notion du bien et du mal tu nous parles? Et ça, c'est semblable aux athées qui prétendent défendre les droits de l'homme. Quel droit de l'homme tu parles? Donc, issu de la matière, on est là sur terre, notre vie n'a pas de sens, on n'a pas d'objectif, ni de but non plus, on n'a pas de sens, ni de sentiment, ni de sagesse, il n'y a ni bien ni mal. Il n'y a aucun critère fixe qui lui permet de connaître les valeurs morales et avec lesquels il peut distinguer le bien du mal. Et c'est pour ça les athées ils disent que les moralités sont relatives. Il n'y a pas de moralité absolue. Le mensonge, c'est un mal pour moi, donc il n'est pas contre, mais ça peut être un bien pour lui, s'il y a un intérêt dans ce mensonge. Et ça, c'est une autre philosophie qui dit que le bien, c'est là où il y a ton intérêt. Si ton intérêt, c'est dans le viol d'une femme, alors c'est un bien. Et ça, c'est pas des choses que je sors de ma tête. C'est des choses, c'est des exemples qu'il donne explicitement. Mais quant à quelqu'un de médiatisé comme Richard Dawkins, il va faire le politicien. Il va dire, moi, je ne pratique pas le viol. Moi, je pratique que des relations sexuelles consentantes. Mais, je ne crois pas que celui qui le fait, il a fait un mal. Mais lui, il le fait pas. Comme l'inceste. Il dit, moi, je fais pas l'inceste. Mais je ne pense pas que celui qui l'a fait, il a fait un mal. Mais moi, personnellement, je l'ai pas fait. Parce que de toute façon, ces valeurs que j'ai, c'est le fruit du hasard. C'est pas quelque chose, yani, qui a une certaine logique, un certain rationalisme. Non. Donc ils disent que les moralités et l'éthique est relative. Est relative. Yani, ce qui est un bien pour toi, ça peut être un mal pour l'autre. Il n'y a pas de valeur ni d'éthique absolue et universelle. Qui va croire en des valeurs et en une éthique absolue? C'est celui qui croit en l'existence d'un créateur sage, transcendant, qui a créé toutes choses et qui a donné des lois et des jugements et qui a déterminé le bien et le mal. Et ça, c'est uniquement celui qui croit en un créateur. Car le jugement qu'une chose est un mal ou un bien, c'est pas quelque chose de ni que la matière puisse donner. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette notion de la moralité et de l'éthique, ça pose un grand problème pour l'athée dans sa croyance. Il y en a qui disent clairement qu'ils n'arrivent pas à trouver une explication pour l'éthique chez l'homme. Pourquoi l'homme, il a une éthique? Et d'autres, ils disent, c'est le fruit du hasard également. Tout ce qu'ils n'arrivent pas à expliquer, c'est le hasard. Quand ils arrivent à trouver des explications scientifiques, ils les avancent. Et après, peu de temps après, il s'avère que c'est faux. Et ils n'ont pas de mal à renouveler leurs convictions à chaque fois que la science avance et découvre l'erreur dans leur théorie, ils n'ont pas de mal à l'adapter à la nouvelle science. Et ainsi de suite. Par contre, l'athée, il n'y a pas de différence chez lui entre la bonté envers un orphelin ou tuer un homme innocent. Il n'y a pas de différence chez lui entre un mariage légitime et légiféré et entre un viol. Tout ça, c'est pareil pour lui. Et dans leur livre, ils disent ces vérités. J'ai déjà rapporté quelques citations, mais elles sont nombreuses dans leur livre. Également, ce point sur lequel ils se sont appuyés pour légitimer leur athéisme, à savoir le problème ou le dilemme du mal, ça démontre qu'ils n'ont pas compris ce que ça veut dire le Seigneur, le Dieu, l'omnipotent, l'omniscient, le transcendant, le Seigneur fort et puissant, capable de toutes choses, qui fait ce qu'il veut et qui est l'omnipotent et qui est le roi suprême. Ça, c'est une notion qui est mal comprise par les athées. Et souvent, la cause de cette incompréhension, c'est les éléments qu'ils ont du Créateur selon la religion chrétienne, qui a rendu le Dieu imparfait. Le Dieu est imparfait dans la religion chrétienne. Et quand on va parler de la religion chrétienne, on va voir, inshallah, ces points en détail. Mais en deux mots, dans la religion chrétienne, le Dieu a été crucifié par ses pires ennemis. Le Dieu a été crucifié par ses pires ennemis. Ou bien, il était consentant. Il était consentant. Donc, pourquoi il va les punir? Pourquoi ce sont ses ennemis? Il doit les aimer, car ils ont fait tout simplement ce qu'il aime. Ou bien, il n'était pas consentant. Il n'était pas d'accord quand ils l'ont crucifié. Alors, à ce moment-là, c'est un Dieu impuissant et imparfait, qui ne mérite pas d'être un dieu. Si ses ennemis font de lui ce qu'ils veulent, alors c'est eux les dieux et non pas lui. C'est pour ça la notion du dieu dans la religion chrétienne elle a éloigné beaucoup de gens de la religion. Mais venez dans la religion de l'islam et vous allez voir qu'il n'y a aucune contradiction et il n'y a aucun sujet tabou. Tu demandes à comprendre ce que c'est la Trinité, ils te disent, t'as des doutes, tu dois avoir certitude. Quelle certitude? Comment je vais comprendre cette notion? Impossible de la comprendre. C'est trois, c'est un, c'est un, c'est trois. Et c'est pour ça que j'ai dit, il n'y a qu'une seule religion aujourd'hui sur Terre, unique. Et c'est un défi pour toute personne capable de me rapporter une religion monothéiste aujourd'hui sur Terre. La seule, c'est la dernière des religions. C'est la religion de la nature humaine saine. C'est la religion de la soumission à Dieu. C'est la soumission de la dignité de l'homme. C'est la religion des valeurs et des moralités. La religion de l'islam. Donc j'ai dit, les athées, ils n'ont pas compris la notion du Dieu. Pour eux, le Dieu est semblable à une machine, un robot que tu programmes. Il fait exactement ce que tu lui dis, sur quoi tu l'as programmé. Ou un serviteur qui est à ton service, il exécute tes ordres à la lettre. Ou un distributeur. T'appuie, il donne tout ce que tu veux. Donc pour eux, ils veulent un Dieu comme ça. Ça, c'est pas un Dieu. Si le Dieu était comme ça, ça serait pas un Dieu. On ne l'aurait pas adoré. Le Dieu, il est omnipotent. C'est lui qui décide, c'est lui qui juge. Et nous, on se soumet à ses ordres. C'est pour ça qu'ils disent, pourquoi il y a le mal? Pourquoi il y a le mal? Pourquoi il y a les catastrophes? Pourquoi il y a les épreuves? On veut un Dieu, on lui dit fait, il fait. Le Dieu, il fait ce qu'il veut. Il décrète ce qu'il veut. Et le serviteur, il est créé. Et c'est lui qui doit se soumettre à la volonté de son Dieu. Donc ils veulent un Dieu dont la seule fonction est de satisfaire leurs envies, leurs désirs. Ils veulent un Dieu comme ils veulent. Il ne leur interdit rien de ce qu'ils veulent. Il ne leur ordonne rien de ce qu'ils ne veulent pas. Ou bien ils veulent le paradis dans le bas-monde. Ils veulent le paradis dans le bas-monde, car ils ne croient pas en l'au-delà. Ils ne croient pas en la vie après la mort. Le croyant, il voit ses injustices et il voit ses souffrances, mais il sait que le compte sera rendu. Le compte sera rendu et l'oppresseur sera puni. Donc ce bas-monde, il a été créé par Dieu pour nous éprouver et non pas pour pour nous récompenser et nous rétribuer. La demeure de la rétribution est après la mort. Allah il dit وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمُ أَيُّكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver qui d'entre vous est le meilleur en acte. Donc si le bas-monde n'est pas une demeure de rétribution et de récompense, le serviteur ne doit pas demander à ce qu'il ait tout ce qu'il veut dans ce bas-monde et qu'il n'ait aucune épreuve, aucune tristesse, aucune souffrance. Ça, c'est des choses qui vont lui arriver dans l'autre demeure. Et le problème capital, c'est de ne pas croire en l'au-delà, en la vie après la mort. Il regarde uniquement ce bas-monde éphémère. Cette vie éphémère est courte. Donc, si on compare toutes les épreuves que traverse la personne dans ce bas monde, imaginons la personne la plus éprouvée sur terre. Cette personne-là, si elle patiente et elle s'attache à sa religion, qu'est-ce que ça va représenter, ces épreuves, avec tout ce que Allah lui a réservé dans l'au-delà, comme bonheur et comme récompense immense, il lui a réservé le paradis. Et toutes les épreuves de ce bas monde ne représentent rien comparé aux délices et aux plaisirs qu'Allah a réservé pour les croyants dans l'autre monde. Mais l'athée n'a pas d'espoir. Il n'a pas de patience. C'est pour ça, tu le vois, il parle comme s'il était une divinité. Mais dès qu'il est touché par une petite épine, il est perturbé. Il a peur de la mort, compare-le aux croyants. Nous demandons à Allah de nous faire vivre dans la foi sincère, la foi ferme et sur le monothéisme pur et sur le cramponnement à la tradition de notre prophète bien-aimé Muhammad et sur la voie de nos pieux prédécesseurs et de nous préserver de toutes ces formes d'égarement et de nous maintenir sur la voie de la vérité. Amin. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Je viens de voir une question, j'y répondrai demain inshallah car j'ai salat tout de suite. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh.